C'est vrai que c'est toujours une joie, en fait, avec mon épouse et mes enfants, de venir ici. Vous êtes une église qu'on aime énormément. Et juste, en fait, je voulais vous partager quelque chose qu'on a reçu vendredi. Et je pense que ça fait toujours du bien, en fait, d'être encouragé. Et je voulais vous encourager en tant qu'église. Du coup, c'est vrai que parfois, quand on est dedans, on ne voit pas, en fait, tout le potentiel qu'il peut y avoir. Et parfois, un œil extérieur, en fait, c'est vrai que nous, on trouve que vous avez on le croit, en fait, profondément, que vous êtes une église avec un fort potentiel. Et je voulais juste, en fait, vous partager ce court témoignage de... vendredi, on a eu une réunion, en fin de compte, du coup, nous, on est sur une implantation d'église. Et on appartient à une famille d'église qui est un peu partout, en fait, en Amérique, Afrique, Europe. Et on a eu la visite, en fait, des États-Unis qui sont venus pour nous aider un petit peu à Paris. Il y avait également un pasteur du Zimbabwe, en fait. On a plusieurs églises, en fait, au Zimbabwe. Et il nous partageait ceci. En fait, il nous racontait les débuts. C'est vrai que maintenant, on voit, en fait, à quel point ils ont une grande église, etc. Et en fait, ils nous ont raconté les débuts. Et on a juste été encouragés. En fait, il nous a raconté, en fait, que quand ils ont démarré l'église, c'était juste 12 personnes. 12 personnes qui avaient juste à cœur de servir Dieu, qui étaient, il y a 13 ans de cela, qui se réunissaient, en fait, en dessous d'un arbre. Il disait, on était juste 12, en fait, avec des rêves que Dieu nous avait donnés. On se réunissait sous un arbre, on priait ensemble, on partageait la parole ensemble. Et aujourd'hui, en fait, il nous raconte que, du coup, 13 ans plus tard, cette église, en fait, ces 12 personnes-là, ont donné naissance, en fait, à 10 églises de plusieurs centaines de personnes chacune. Et chaque mois, ils nourrissent plus de 60 000 enfants. 1,2 million de repas distribués par mois. Et c'est juste, en fait, ça nous a tellement encouragés. Je voudrais vous encourager aussi, en tant qu'église, à ne pas, en fait, minimiser ce que Dieu peut faire avec un groupe de personnes disponibles à son œuvre. Dans le royaume de Dieu, vous savez, il y a juste la disponibilité. La disponibilité fait beaucoup. Juste, je vois vos cœurs, en fait, à quel point vous êtes disponibles, à quel point vous avez un zèle pour Dieu. Ne limitez pas ce que Dieu peut faire au travers de vous pour son royaume et dans la ville de Paris. Amen. Bon, moi, ça m'a encouragé, en tout cas, ça me booste, donc je voulais vous le partager. Donc aujourd'hui, en fait, je vais partager le deuxième message de votre série qui est « Venir, demeurer et aller ». Et je vais apporter le deuxième message qui est sur « Demeurer ». J'aime la série que dans laquelle vous êtes en ce moment, parce que « Venez, demeurer et aller », en fait, c'est trois impératifs que Jésus nous donne. Et ces trois impératifs qui sont à la fois indissociables, indispensables et indivisibles. Les trois, en fait, peuvent s'enchaîner de manière consécutive, mais les trois ne vont pas l'un sans l'autre. C'est comme une sorte de triade, vous savez, l'un, en fait, engendre l'autre, l'un ne va pas sans l'autre, et on ne peut pas les diviser, on ne peut pas vivre l'un sans vivre l'autre. On ne peut pas venir à Christ sans demeurer à Christ, on ne peut pas aller sans demeurer. Vous voyez, tout est lié, et c'est vraiment une série qui est excellente. Je suis excité de prêcher ce message, là. Du coup, ma femme me calme à chaque fois, elle me tempère, parce que c'est toujours une source de joie pour moi de prêcher. Et vous savez, quand vous avez vu ce message-là la semaine dernière, mais quand on répond à l'appel de Dieu de venir à lui, il nous invite après à demeurer en lui. Et notre texte de base aujourd'hui, ça va être Jean 15, on va lire du verset 1 au verset 8. Je n'ai pas mis dans les diapos les textes, hein, je vais vous obliger à vadrouiller au travers de votre Bible. On va lire donc Jean 15 du verset 1 à 8. Ça dit ceci, « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » On va prier avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour cette opportunité, Seigneur mon Dieu, de partager ta parole, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te prie vraiment que la parole qui va être semée, Seigneur, elle puisse passer de notre intellect, Seigneur, à notre cœur, Seigneur, et vraiment qu'on puisse la vivre, Seigneur, et qu'elle puisse apporter de nombreux fruits. Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, comme Jean-Baptiste, que je puisse diminuer, Seigneur, et que tu puisses croître en moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, parle-nous ce matin. On veut entendre ta voix, Seigneur, on veut ta parole, Seigneur, qui est vivante, Seigneur, qui prenne vie, Seigneur mon Dieu. On veut être enseigné, Seigneur, on veut aller plus loin avec toi, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie avec Dieu de trouver que votre vie manque de consistance? Ça vous est arrivé ou il n'y a que moi? Est-ce que ça vous est jamais arrivé, en fait, de vous dire, je ne sais pas, par exemple, quand vous lisez le livre des Actes, qu'il y a quand même un sacré décalage, en fait, entre ce que vivaient les chrétiens des Actes et entre ce que je vis moi? Il n'y a qu'à moi que ça fait ça? Est-ce que il y a un monde, enfin, parfois, en fait, je trouve, du moins, en fait, je vis des périodes de ma vie où je trouve que ma vie manque de consistance. Ma vie chrétienne manque de consistance. Il y a quelque chose où je passe à côté. Il y a quelque chose, en fait, qui est, où je ne vis pas, en fait, la vie que Dieu m'appelle à vivre. Et je crois qu'on est un peu tous dans ce cas-là. Et vous savez, un des plus grands fléaux, je crois, qui touche le christianisme d'aujourd'hui, je crois, il y en a pas mal, mais je crois qu'un des plus grands, c'est le fait d'avoir réduit l'Église à ça, à un bâtiment, à une réunion. Un des plus grands fléaux, en fait, je pense que c'est la société de consommation qui influence fortement notre manière de voir l'Église. Et un des plus grands fléaux auxquels on fait face dans notre vie de chrétien actuelle, c'est le fait que le bâtiment, le lieu, les réunions, le mouvement d'Église dans lequel on appartient, la manière dont on fait l'Église, en fait, juste, on a réduit la vie chrétienne au dimanche matin. On a parfois, en fait, réduit la vie chrétienne, on l'a définie en quelque sorte au lieu où on va une fois par semaine. Et je crois profondément, et c'est un peu le cœur de ce texte, c'est que le christianisme, c'est pas aller à l'église une fois par semaine. Le christianisme, c'est d'être l'église 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Le christianisme, c'est pas aller à l'église une fois par semaine, c'est pas une question de lieu, c'est pas une question juste de faire l'église, c'est d'être l'église. Vous savez, Jean, au chapitre 10, au verset 10, nous dit ceci: le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire. Mais j'aime ce que Jésus dit juste après. Il dit, mais moi je suis venu pour que les hommes aient une vie, et pas n'importe laquelle, la vie en abondance. Et je crois que c'est vraiment une œuvre de l'ennemi, en fait, de vouloir limiter notre vie chrétienne aux activités de l'Église. Parce que le christianisme, en fin de compte, c'est ce que Jésus nous dit là. Jésus est venu pour qu'on ait la vie, et pas n'importe quelle vie. Jésus est venu pour qu'on ait la vie en abondance. On est appelé à vivre une vie abondante en lui. Le christianisme, c'est une histoire de vie. C'est une histoire de vie. Et on voit, en fait, dans ce texte-là, en fait, ce que je vais apporter. Le titre de mon message, c'est « Demeurer », tout simplement. On va voir cet aspect-là. D'ailleurs, je voulais remercier encore une fois Dan, parce que vous savez, la dernière fois, c'était un thème qui était délicat, et là aussi, c'est un thème qui est délicat, donc merci de me choisir à chaque fois pour tes galères. C'est vraiment sympa. Non, la parole est puissante, je suis sûr qu'on va être béni. Mais c'est les prédications, moi, que j'appelle les prédications 3D. 3D comme difficile. Difficile à comprendre, difficile à entendre et difficile à prêcher. Mais je crois, en fait, que cette vérité, cette réalité, vous savez, il y a des réalités plus profondes dans les Écritures, et Jean 15, je pense que ça fait partie d'un des textes les plus profonds. Et c'est une réalité qui est difficile à entendre, à vivre, mais qui peut changer ta vie si tu l'appliques. Martin Luther a dit ceci, vous savez, le grand réformateur a dit ceci: on est tous, chaque être humain naît légaliste. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est que on a tous dans notre ADN, dans notre manière de voir, de penser, cette notion que si je fais bien quelque chose, je vais avoir une récompense. Si je fais très bien cette chose, je vais avoir une plus grande récompense. C'est proportionnel. Par contre, si je fais quelque chose de mal, je vais avoir rien du tout. Et vous savez, c'est une notion qui nous suit, en fait, toute notre vie. Aux enfants, en fait, dès le début, on leur dit, si t'es sage, tu vas avoir ça. Si t'es pas sage, t'auras rien. On arrive à l'école, je sais pas si, du coup, aujourd'hui, ça se fait plus, mais la plupart des trentenaires vont comprendre. Vous vous en rappelez, des bons points à l'école ? quand on avait des bons points, si on faisait quelque chose de bien, une bonne note. Après, si on en avait 10 bons points, on avait une image. Après 10 images, je crois qu'il y avait une espèce de poster. Est-ce que vous aviez... Moi, elle s'appelait Julie, je me rappelle, du coup. Mais est-ce que vous aviez une fille énervante qui avait, en fait, tellement de posters et de bons points, enfin, vous l'aviez aussi, celle-là? C'est elle qui m'a plus saoulé, je crois, parce qu'elle m'a suivi toute ma scolarité. Elle m'a le plus saoulé. Franchement, du coup, elle avait tous les bons points. Et même, en fait, tu avais l'impression que la prof la facilitait encore plus. Elle disait, oui, Julie, voilà, tu as eu une bonne note, tu as eu des bons points, mais vu que tu as été sage et tu as gardé la classe pendant que j'étais pas là, tiens, encore des bons points. Et toi, tu étais là avec tes 3 bons points, tu étais énervé. Du coup, on a cette notion-là. Après, ça passe aux notes, on arrive dans la vie. En fait, quand on est dans une entreprise, il y a parfois, en fait, une prime de rentabilité. Enfin, si on fait quelque chose de bien, on va avoir une prime. Pour les couples qui sont mariés, vous savez que les gars, en fait, si on sort la poubelle, si on fait la vaisselle, si on s'occupe bien des enfants, il y a plus de chances le soir qu'on ait un petit moment d'affection, vous savez. Il y en a qui sourient, là. Les gars mariés, vous savez de quoi je parle. Mais vous voyez, en fait, on a cette notion que si on fait quelque chose de bien, on va être récompensé. Et ce texte-là, Jean 15, nous enseigne que c'est absolument tout le contraire. Le christianisme n'est pas du tout, ne marche à l'opposé de ça. Le christianisme n'est pas comme ça, ce n'est pas une affaire de récompense. Et c'est pourquoi, en fait, aujourd'hui, j'aimerais voir 2 choses avec vous, une fois que j'aurai allumé la télécommande. Voilà, c'est d'abord l'importance de demeurer. Il y a quelque chose d'intéressant, en fin de compte, dans ce texte, quand on le regarde bien, quand on le regarde en profondeur, c'est que on voit, en fait, les personnages de ce texte. On voit que Jésus se décrit comme le cep, que le Père, que Dieu le Père est le vigneron, et que nous sommes les sarments. Mais en fin de compte, le texte, du coup, ça, c'est les personnages, mais tout dans ce texte-là, dans Jean 15, est à propos de quelque chose, est à propos du fruit. Tout est à propos du fruit. Et c'est pourquoi, en fait, il y a plusieurs choses qu'on a à comprendre, où c'est important de demeurer. Et la première, c'est que il est important de demeurer en Christ, parce qu'il y a juste... Il y a seulement 2 options. On voit, en fait, que Jésus, en fait, décrit seulement 2 options par rapport au cep et par rapport au sarment que nous sommes. La première option, c'est un sarment qui ne porte pas de fruits et qui est coupé et jeté. Un sarment qui ne porte pas de fruits, vous savez, on voit, en fait, j'ai quelque chose pour illustrer, c'est magnifique, vous avez prévu. Si je vois, en fait, quelque chose qui ne porte pas de fruits, ça prend de la place pour rien, ça risque en même temps de peut-être de pourrir les autres branches. Donc cette branche va être coupée et va être jetée. Ça, c'est la première option. Le sarment qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté. Et la deuxième option, c'est là que c'est extraordinaire, en fait, c'est qu'on voit, il parle du sarment qui porte du fruit. Et il ne va pas être seulement laissé à porter du fruit. Jésus va nous apprendre, en fait, que Dieu va l'émonder pour qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire qu'il va enlever les impuretés, qu'il va enlever toutes les choses qui ne vont pas sur ce sarment-là, pour que non seulement il continue à porter du fruit, mais qu'il en porte davantage encore. C'est un peu ce que Jésus, en fait, dit dans Matthieu 13. En fait, ça rejoint ce principe-là où Jésus dit « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Et le but dans tout ça, pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu nous laisse porter du fruit et en plus veut qu'on en porte plus? Ça le dit, en fait, à la fin de la portion qu'on a lue des Écritures, au verset 8, afin que mon Père soit glorifié. Le but de porter du fruit, c'est la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus, en fait, quand on y pense bien, est-ce que Jésus a dit, en fait, on va reconnaître un arbre, on reconnaît, en fait, quelqu'un qui est véritablement mon disciple, on reconnaît un arbre, en fait, à son appartenance d'église, ou à la manière dont il prie, ou à la manière dont il se... Enfin, ou son apparence. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et Jean 15, du coup, demeurer, c'est à propos des fruits portés. On reconnaît un chrétien pas parce qu'il va à l'église, pas par son appartenance, mais on le reconnaît parce qu'il porte du fruit. Et l'importance de demeurer en Christ, l'importance d'être en Christ, c'est que si on reste attaché au cep, si on est vraiment un sarment qui est connecté, et que la sève de vie, en fait, coule en nous, notre vie va automatiquement porter du fruit. Notre vie va être différente. Il y a quelque chose qui va paraître, qui va être différent aux yeux des autres. C'est ça, porter du fruit. La deuxième chose importante, c'est que pour demeurer, c'est Ce que Jésus précise, c'est qu'il est le cep et nous sommes, je dirais même, seulement les ramifications, les sarments, les branches. Et c'est intéressant en fait de voir ça, parce que Jésus en fait ne dit pas le père en fait est le vigneron et moi je suis une partie du cep et vous êtes l'autre, ou alors je serai plutôt le tronc, ou alors je serai les racines et vous êtes le tronc. Jésus ne dit pas ça du tout. Jésus en fait va dire qu'il est le cep et que nous sommes les sarments, nous sommes les branches. Il est la vigne, nous sommes juste les branches qui sont ramifiées à lui. Et c'est pour ça en fait que Jésus précise dans ce texte qu'un sarment, une branche, n'est pas capable de porter des fruits tout seul. Et qu'il va préciser en fait, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. En quelque sorte, ce que Jésus en fait transmet là, c'est que sa vie est notre vie. Que ma vie en fait est la vie de Christ et qui déverse sa vie en moi. Et c'est ça demeurer. C'est être en lui et lui en moi. C'est être la branche qui est attachée en fait au cep de Christ, qui est Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. C'est ça en fait qui dit, la parole en fait peut être assez dure en fait à entendre, parce qu'on dit mais même si je suis pas en Christ, même si des fois j'ai lâché la main de Dieu, etc. Je continue à vivre, etc. Mais en fait là, Jésus est très clair en fait. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. D'ailleurs, il va dire en fait, je suis le chemin, dans le même livre, le livre de Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le christianisme, c'est une histoire de vie. Jésus est la vie, c'est la vie abondante. Et c'est pour ça qu'il va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La troisième chose, c'est que là où Jésus va remettre aussi une chose au clair, c'est que toute vie hors de lui n'est qu'une illusion. Et j'aime le livre de l'Ecclésiaste, en fait, où vous voyez en fait, où l'auteur va dire « vanité des vanités, tout n'est que vanité ». Ou alors, il y a certaines traductions qui traduisent « futilité complète, tout n'est que futilité ». Et le titre de ce message, en fait, le message en fait, que de ce livre-là, c'est que la vie en dehors de Dieu n'est que futilité. Et le mot en hébreu, en fait, c'est « vapeur ». C'est-à-dire que c'est quelque chose, en fait, c'est de la vapeur, en fait, ça n'a pas d'importance. En dehors de Christ, la vie, au final, n'est que vapeur. Elle est éphémère, elle n'a pas de poids. La vie est en lui. Et c'est pour ça qu'il dit, une branche coupée ne peut pas porter de fruits. Je vais rester vraiment collé au texte aujourd'hui. Hein. C'est important parce que si on saisit vraiment cette vérité-là aujourd'hui, ça peut changer vraiment radicalement nos vies. Une branche coupée peut créer une illusion pendant un temps. On peut couper une branche avec des fruits dessus. On peut couper une branche et avoir l'impression que cette branche est encore en vie pendant un certain temps. Mais comme j'ai dit, ça dure juste un certain temps. La branche n'est plus ramifiée, la branche n'est plus en Christ. Et elle peut donner l'illusion d'être encore vivante, mais en fait elle est arrachée de la vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et demeurer, c'est rester connecté, c'est rester attaché, c'est rester branché au cep. Et on vit tous en fait cette dualité-là, cette dualité d'essayer par nous-mêmes, juste des fois en fait on a envie juste d'arracher notre branche et d'essayer par nous-mêmes. Et on vit dans cette dualité en fait entre être demeuré et essayer par nous-mêmes. Et j'aime Philippiens 4, 13 qui dit « Je peux tout par celui qui me fortifie » parce que bien souvent on essaye par nous-mêmes et on vit juste la première partie « Je peux tout », on essaye de faire par soi-même. Mais La deuxième partie du verset le dit bien, je peux tout par celui qui me fortifie, c'est par Christ, c'est mon appartenance, c'est le fait de demeurer en lui, du fait que je peux tout. Vous savez, je ne sais pas si, on peut prendre n'importe quel exemple du coup, mais on lutte tous avec des choses dans nos vies, par exemple l'amertume. Je ne sais pas si tu as eu quelqu'un, une fois qui t'a fait un coup de travers, un coup tordu, ou enfin t'es amer envers la personne, ou même qui t'a fait une souffrance bien plus grande, d'essayer de pardonner par soi-même ou d'essayer de lâcher l'amertume par soi-même, c'est juste impossible. Vous savez, même pour témoigner, en fait, du coup, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, vraiment une personne que j'appréciais, avec qui on se confiait, etc., en fait, m'a fait un coup vraiment tordu. Enfin, c'est plus un couteau qui m'a planté dans le dos, c'est une épée, le gars. Mais, et en fait, j'essayais, et souvent, en fait, Aurélie me disait, mais tu sais, en fait, essaye en fait vraiment de te connecter à Dieu parce que tu as du mal à pardonner. Et moi, en fait, orgueilleux comme je suis, je dis non, c'est bon, j'ai pardonné. Mais j'essayais par moi-même. Et il y a des choses qui, humainement, quand on est en dehors du CEP, on ne peut pas y arriver par soi-même. C'est en étant connecté au CEP, et c'est quand en fait j'ai laissé Dieu en fait prendre toute la place, juste en fait prendre toute la place dans cette situation-là, que une personne m'a dit ceci en fait, et j'ai pris vraiment comme une parole de Dieu. Il m'a dit, tu sais, nous notre job c'est juste d'aimer les gens. Le travail du Saint-Esprit, soit en fait la personne, Dieu, le Saint-Esprit va la changer, soit le Saint-Esprit va l'exposer. Mais en tout cas ces deux choses-là, en fait ces deux situations-là ne t'appartiennent pas. Tout ça en fait pour dire que sans Christ nous pouvons rien faire, c'est lui le CEP, nous sommes les ramifications. J'aime cette parole qui dit « ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit ». L'importance de demeurer également pour notre évolution, pour notre croissance spirituelle. C'est ce que nous parle ici le texte, ça parle de l'émondage. Vous savez, l'émondage c'est douloureux, mais c'est nécessaire. Et j'aimerais qu'on lise un texte qui se trouve dans Jacques chapitre 1er. Où ça va parler également des mondages. Et Jacques va aller encore plus loin. Il va dire, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi, produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. En fin de compte, Jacques est en fait en train de nous parler de l'émondage, le même émondage qui est parlé dans Jean 15. L'émondage, c'est douloureux. En fait, Dieu, vous savez, l'émondage, en fait, c'est couper les impuretés. Et c'est douloureux. Quand on est un sarment, quand on est attaché au cèpe, en fait, quand on va être émondé, c'est douloureux. Et Dieu, en fait, va laisser, dans certaines situations, certaines attaques de l'ennemi ou des épreuves de la vie, en fait, venir afin que notre vie soit émondée, afin que tout ce qui n'est pas nécessaire à notre croissance, que tout toutes les impuretés, en fait, qui peuvent nous empêcher de grandir et porter plus de fruits, soient écartées. L'importance de demeurer pour notre évolution, pour notre croissance spirituelle. Donc la deuxième partie de ce message que je voudrais apporter, c'est comment demeurer. Parce que là, du coup, on a vu ce que c'est demeurer. Et j'aimerais être juste pratique, en fait. Quels sont les indicateurs? J'aimerais voir d'abord quels sont les indicateurs de savoir si on demeure vraiment en Christ. Et quelles sont les choses qui nous permettent de demeurer en Christ? Quels sont les outils, entre guillemets? D'abord, quels sont les indicateurs que je demeure? Parce que parfois, on peut se poser la question. On est des êtres humains, on agit beaucoup par le ressenti. Donc, est-ce que je suis bien en Christ? Qu'est-ce qu'en fait qui indique que je suis bien un sarment, que je suis bien connecté avec Dieu? Qu'est-ce qui indique que je suis bien en lui et lui en moi? J'aimerais focaliser juste sur une chose ce matin, et qui pour moi est la chose principale, parce que c'est ce que Jean 15 nous enseigne, c'est est-ce que je porte du fruit? Est-ce que ma vie porte du fruit? C'est le plus grand indicateur à savoir si on est en Christ. Donc la chose qu'on peut se demander, c'est quel fruit? Souvent, en fait, quand on parle de porter du fruit, en fait, tout de suite, on va penser à les âmes, entre guillemets, qu'on a gagnées à Christ, ou alors des personnes dans lesquelles on se déverse, les disciples, entre guillemets, dans lesquelles on enseigne, les œuvres, les bonnes œuvres qu'on fait, enfin, toutes les choses un peu extérieures. Ça fait partie de ça également. Les fruits, c'est également ça, mais pas que. C'est pas que ça. Et je pense que du coup, il y a quelque chose qui est encore plus important, et c'est là-dessus que je voudrais me focaliser, parce que parfois, quand on focalise sur ces fruits-là, on rentre dans une culpabilité. Tout le monde n'est pas appelé en fait à amener une centaine de personnes à Christ, même une. Mais il y a d'autres fruits en fait que. Je voudrais qu'on plonge du coup juste dans ce verset-là de Galates 5, dans les fruits de l'esprit. Et en fait, cette liste de fruits, par contre, est beaucoup plus discernable. On peut beaucoup plus évaluer si ces fruits-là sont visibles, sont palpables dans nos vies avec Dieu. En fait, Paul dit ceci aux Galates. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est pas mal comme liste. Hein. Du coup, déjà, l'amabilité, en fait, en tant que Parisien, on peut l'enlever. Je pense que plus là, personne ne l'a. Du coup, il n'y a qu'à prendre la ligne 13. Du coup, ça y est, on est sûr que... Non, vous voyez, et en fait, j'aimerais juste qu'on en voit trois, parce que pour moi, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, hein, absolument pas. Mais en fait, il y en a trois, je pense, que sur lesquels on doit veiller et qui sont des bons indicateurs si on est vraiment en Christ. Et j'aimerais qu'on fixe les yeux sur la paix, l'amour et la joie. Est-ce qu'il y a une certaine paix dans ta vie? Vous savez, du coup, la paix, en fait, dans la Bible, c'est vraiment intéressant. Du coup, dans l'Ancien Testament, c'est le mot shalom. Dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec qui est erénée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, que ce mot-là, ce terme paix, ne veut pas dire l'absence de conflit. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être en temps de guerre, en temps de conflit, et être en paix. En fait, le mot paix, du coup, on va se focaliser sur le mot en fait qui est shalom, mais irénée est le même terme. Ça veut dire, en fait, la Bible parle de plénitude, de sérénité, d'accomplissement, quelque chose en fait qui est plein. On est pleinement accompli. Colossiens 2, au verset 10, va dire « En lui, vous avez tout pleinement. » Jésus est notre paix, Jésus est notre shalom, Jésus est notre plénitude. En lui. Donc ce qu'on peut se demander, c'est comme indicateur, est-ce que je ressens une certaine paix? Est-ce que je suis, même si je traverse des moments d'épreuve ou même des moments de conflit, ça peut arriver, est-ce que j'ai cette paix qui m'accompagne? Est-ce que j'ai cette paix qui est Christ, qui est là? Où je ne ressens pas une angoisse par rapport à ce qui va se passer, où je suis juste en paix par rapport à ma situation présente, en paix par rapport à ce qui va se passer dans le futur. La paix est un indicateur que nous sommes en lui. L'amour, juste deux chapitres avant, dans Jean 13, Jésus va dire ceci, en fait, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quelle est ma dose d'amour? Et je ne parle pas des sentiments, vous savez, quand la Bible parle d'amour, c'est toujours un acte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Vous voyez, c'est jamais un sentiment de guilly, de papillon dans le ventre. C'est toujours ce que je fais. Est-ce que c'est même pas un ressenti, mais est-ce que je manifeste de l'amour autour de moi, aux personnes qui sont autour de moi, même dans mes collègues de travail, etc. Est-ce que l'amour m'accompagne? Est-ce qu'il y a cette chose qui est profondément surnaturelle, hein? On ne peut pas aimer en fait, de manière naturelle. On a plutôt envie des fois de taper les gens que de les aimer. Vous voyez, est-ce qu'il y a cette chose-là qui me pousse? Est-ce que j'ai l'amour de Christ en moi? L'amour est un indicateur. Et le troisième sur lequel je voudrais qu'on fixe aussi les yeux, c'est la joie. Vous savez, la joie en Christ, ça qui est extraordinaire, c'est qu'elle est indépendante des circonstances. Vous savez, on peut vivre la pire des époques de nos vies et en même temps éprouver de la joie. Vous savez, la joie, c'est différent d'être content. En fait, heureux est différent d'être content. On va pas sourire si on traverse un deuil, par exemple. Mais est-ce que j'ai cette joie, en fait, cette joie que Dieu donne? Dans Néhémie 8, ça dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». Est-ce que sa joie, la joie du Seigneur m'accompagne? Peu importe les situations de ma vie. D'ailleurs, trois versets plus loin que ce qu'on a lu, en fait, à partir du... Là, on a lu jusqu'au verset 8, mais au verset 11, Jésus va dire « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, qui déverse sa joie en nous et que votre joie soit parfaite. » La joie est un indicateur de si on est en Christ. Donc après avoir vu les indicateurs, j'aimerais juste en fait qu'on puisse voir des outils clés. C'est surtout en fait là-dessus que j'aimerais vous communiquer. Et je crois que c'est important, on a tous besoin de clés. J'essaie d'être le plus pratico-pratique ce matin. Et comment demeurer? On va lire le psaume 1. Et à la lumière du psaume 1, en fait, je pense qu'il y a 4 P, j'ai appelé ça les 4 P pour demeurer en Christ, que j'aimerais qu'on voit ensemble. On va lire d'abord le psaume 1 et ensuite on va voir ça ensemble. Psaume 1, je pense que vous l'avez entendu des tas et des tas de fois pour beaucoup, ça se trouve vous le connaissez même par cœur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Jésus est la source d'eau vive, hein, c'est dit au passage, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. On peut voir en fait quatre choses du coup, dans le psaume 1. Et c'est une liste non exhaustive. En tout cas, c'est quelque chose que j'avais envie de vous communiquer. C'est quatre aides, on va dire, j'ai appelé ça les 4 P. À la lumière du psaume 1, qui peuvent nous aider à rester en lui, à nous enraciner en lui encore plus profondément et à rester accrochés au cep. Le premier, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous dit le psaume 1. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. La parole de Dieu est ce qui va nous aider à nous attacher au cep. La parole de Dieu est celle qui va nous aider également à nous accrocher au cep quand ça va mal, quand l'ennemi attaque. Vous savez, quand Jésus était dans le désert, on voit en fait, quand on lit le texte, c'est vraiment très intéressant qu'en fait l'ennemi, en fait, lui cite la parole de Dieu en fait, hors contexte. Et Jésus, à chaque fois, va dire « il est écrit que, il est écrit que ». Et être enraciné, c'est être ancré dans la parole de Dieu. C'est méditer la parole de Dieu jour et nuit, sans que ça soit vraiment une corvée ou de le faire parce qu'il faut le faire. C'est vraiment s'enraciner, que la parole, en fait, on puisse l'approprier, qu'on puisse la lire, qu'on puisse la méditer, qu'on puisse l'imprégner, qu'on puisse ce qu'on a lu le matin, qu'on puisse le ressasser toute la journée, qu'on puisse... C'est ça, en fait, être attaché, être amoureux de la parole de Dieu, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est pas « je dois », c'est « j'aime ». J'aime la Bible, j'aime... être ancré dans la parole, j'aime lire la Bible, j'aime suivre mon plan de lecture, même quand YouVersion m'envoie des alertes, vous n'avez pas suivi le truc et je me sens hyper coupable, j'aime ça. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est demeurer dans la parole de Dieu, être ancré, sans que ça soit... Vous savez, je crois que c'est un piège, hein. J'appuie sur ça parce que les plans de lecture biblique, etc., j'en suis, mais parfois ça peut devenir un piège de « je dois faire ». C'est une très bonne aide, c'est excellent, il faut en avoir un, mais je crois que parfois... Il faut juste en fait lire la Bible, pas parce qu'on doit, mais parce qu'on veut le faire. C'est une étape en fait à franchir juste et pour justement être plus ancré au cep. La deuxième, je vais essayer de faire vite, c'est la prière. La prière, donc si la parole de Dieu c'est s'attacher, s'accrocher, la prière c'est se rapprocher du cœur de Dieu. Se rapprocher de qui est Dieu, comme en fait être juste en fait avec un tête-à-tête en fait avec son père, en fait être avec lui dans sa présence, être se rapprocher du cœur de Dieu. Je voulais juste aussi vous partager, en fait ça m'appartient à moi, mais si ça peut aider, en fait des fois je le partage, c'est qu'il y a des jeunes en fait qui maintenant en fait suivent ce que je fais en fait au niveau de la prière. Parfois on ne sait pas comment prier. D'ailleurs, même les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous comment prier. Donc, je n'ai pas la prétention d'être Jésus, je ne vais pas vous apprendre à prier, mais je vais vous donner, moi, comment je prie. Pour, en fait, être dans une structure, parce que parfois, en fait, on peut avoir la tête ailleurs, ou parfois, on ne sait pas, en fait, par où commencer, quoi dire, etc. Donc, je vais juste vous donner mon truc à moi. Moi, c'est un acrostiche, en fait, tout simple, de prière. P-R-I-E-R-E. Premièrement, je commence toujours par la parole de Dieu. Avant de prier... J'ouvre la parole de Dieu, donc je suis en ce moment je suis dans Actes par exemple, du coup je fais ma lecture biblique pendant 5-10 minutes si c'est le matin, pendant peu importe, là c'est juste avant la prière, donc du coup je veux m'imprégner un peu du texte, je médite un peu dessus, donc P, parole de Dieu, R, repentance, ça peut paraître un peu rude comme ça, mais vous savez, il y en a qui disent ouais j'arrive pas à prier longtemps, commence à te repentir. Tu vas prier très longtemps. Parce que ce que je fais, c'est que je ne dis pas en fait à « Ouais, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés d'hier. » En fait, j'énumère pas dans la condamnation, hein, mais j'énumère en fait tout ce que j'ai fait de mal la veille. Pardon quand j'ai répondu comme ça à telle personne. Seigneur, je te demande pardon. Pardon quand... je sais pas en fait, je vais pas vous raconter ma vie non plus, mais du coup pardon pour ci, pardon pour ça, etc. Et en général ça dure longtemps, en tout cas pour moi là, si y en a qui disent j'arrive pas à prier plus 5 minutes, moi déjà dans la partie repentance je suis déjà très très loin des 5 minutes. Juste les énumérer, pas dans une condamnation, mais une fois en fait du coup qu'on est rentré dans cette phase de repentance, je dis en fait qu'il y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, etc. J'énumère, je proclame la parole de Dieu, etc. Juste un temps de repentance, un temps où je demande pardon sincèrement aux péchés que j'ai pu commettre ou aux péchés que j'ai pu omettre, des choses que j'aurais pu faire de bien et que je n'ai pas fait, de la veille. Et ensuite, à chaque fois, ça ouvre mon cœur. La repentance, souvent, ça ouvre en fait l'espace en fait, à Dieu aussi de nous parler, par exemple. Repentance, intercession. Là, je rentre dans un temps d'intercession. En général, je prie toujours pour ma femme, pour mes enfants, pour tel et tel proche, pour l'église, pour telle et telle personne, pour telle et telle situation aussi qu'on m'a demandé. En fait, ça rentre dans ça, ça rentre dans mon « i », intercession. Tac, les sujets de prière, on m'a demandé de prier pour tel sujet, je l'insère dans ça. La partie intercession. « E », c'est la partie « écoute ». À un moment donné, je me pose pour écouter Dieu. Je me pose, en fait, j'ai beaucoup parlé. Juste, en fait, je laisse un temps à Dieu, en fait, de me parler. Juste d'ouvrir mon cœur, peut-être de pointer des choses. Juste, en fait, ouvrir son cœur. Ce n'est pas mystique. Dieu, en fait, ne descend pas en fait, dans mon salon en disant « Hey, Loïc, tu vas bien ?» Il n'y a rien de mystique. Juste, en fait, j'ouvre mon cœur. J'ouvre, en fait, je laisse un temps d'écoute. R, c'est requête. Là aussi, ça peut durer longtemps. Seigneur, donne-moi ma maison à Los Angeles. Donne-moi les requêtes, en fait, tout ce dont j'ai besoin. Et le dernier « e », en général, je demande l'éclaircissement du texte que j'ai lu. Éclaire-moi. Peut-être il y a des choses... Vous savez, en fait, le piège aussi, quand on est souvent dans la parole de Dieu, c'est qu'on lit parce que c'est un texte qu'on a déjà lu, et au final, on n'a pas, en fait, un éclairage, en fait, peut-être nouveau, en fait, dessus. Donc je demande à Dieu, en fait, c'est un temps de méditation, au final, de la parole que j'ai lue juste avant. Éclaircissement. Donc voilà, ça c'est à moi, hein, du coup. Donc si ça peut en aider, tant mieux. Troisième P, la pureté. La parole de Dieu s'attacher, la prière se rapprocher, la pureté se préserver. Vous savez, il y a des choses que personne ne peut faire à notre place. La pureté, en fin de compte, c'est personne, que ce soit vos leaders, que ce soit n'importe qui, en fait, ne peut pas le faire à votre place. Il y a des choses dans notre vie avec Dieu qui ne peuvent pas, en fait, être amenées de l'extérieur. C'est nous avec Dieu. La pureté, se garder, c'est juste en fait éviter à ce qu'il y ait des parasites qui viennent sur ma branche et qui empêchent le fruit et qui peut en fait faire que la branche va mourir ou s'écarter. La pureté, se préserver, éviter les parasites, se préserver dans ce que je regarde, se préserver dans ce que j'écoute, se préserver dans ce que je fais, se préserver dans mes intentions aussi de ce que je fais, la pureté, se préserver. Et c'est ce dont parle, hein, selon le conseil des méchants, ça ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il parle de méchants, pécheurs, moqueurs. Toutes ces choses-là, en fin de compte, c'est pour qu'on s'en écarte, se préserver. Et la quatrième chose, du coup, le quatrième P, et ça rejoint, en fait, du coup, toujours le psaume 1, il passe beaucoup de temps, en fait, à parler de ça, c'est les proches, c'est les fréquentations. La parole de Dieu s'attacher, la prière se rapprocher, la pureté se préserver et les proches s'épargner. Vous savez, la mort, ça se propage rapidement. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les personnes que tu fréquentes, les personnes avec qui tu marches vont t'influencer quoi qu'il arrive. Avant, moi je me prenais pour le champion du monde également. Même quand je vais rencontrer ma femme, ça faisait un certain nombre de temps que j'étais converti. J'avais encore des fréquentations que j'avais avant, depuis tout petit. Aurélie, elle m'avait averti, elle a dit, tu sais, en fait, ces gars-là, ils sont plus comme toi t'es maintenant, donc tu devrais éviter, pas en fait couper contact, mais tu devrais éviter d'être aussi souvent avec eux. J'ai dit, mais c'est bon, je me prenais pour le sauveur un peu du monde. Je me suis dit, qui va leur parler de Jésus si c'est pas moi, machin. Mais c'était pas une question de parler de Christ. C'était une question que quand tu es avec quelqu'un, la Bible dit le faire aiguise le faire. En fait, on pense souvent avoir de l'influence sur les autres, mais en général, un groupe a toujours de l'influence sur nous. Au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Donc les proches, c'est ce qui a, la manière dont tu t'entoures, les amis, les personnes que tu mets autour de toi, les branches avec lesquelles tu vas t'entourer. Vous savez, il y a une expression des anciens, là, les vieux, ils disaient ma vieille branche. Ben, c'est un peu ça, vous voyez, là, on rejoint ça. Les branches avec lesquelles tu es sont hyper importantes. Vous savez, les proches qu'on a, les amis qu'on a, peuvent avoir les clés de notre destinée. C'est hyper important. La manière dont tu t'entoures, si tu es entouré avec des personnes qui sont accrochées au cep, ou si tu es entouré avec des personnes justement, sans être dans un jugement, mais du coup pour reprendre ce que la parole de Dieu dit, des personnes qui sont méchantes, des personnes qui sont dans le péché, des personnes qui se moquent de Dieu, à un moment donné, ça va petit à petit t'écarter du cep. Tes proches peuvent détenir les clés de ta destinée. La manière dont tu t'entoures, entoure-toi de personnes qui sont accrochées au cep, entoure-toi de personnes qui vont t'amener plus loin, entoure-toi de personnes qui sont passionnées par Jésus. Vous savez, on dit les personnes passionnées sont passionnantes. Entoure-toi de personnes qui, justement, en fait, vont avoir une bonne contagion. Des personnes qui portent du fruit, des personnes qui ont un impact sur ta vie. Les fréquentations, les proches, et j'insiste beaucoup dessus, hein, pourtant je l'ai mis en dernier, c'est hyper important pour rester enraciné dans le cep, pour rester en Christ. La manière dont tu t'entoures, les proches. Entoure-toi de personnes qui sont attachées au cep, qui pourront t'aider à rester attaché également. Je vais juste pour conclure, je ne sais pas si du coup tu peux revenir au piano pour conclure. En fait, je voudrais juste revenir sur le fléau de lequel j'ai parlé au début, où on peut réduire parfois le christianisme en fait à un lieu, à une réunion, à une fois par semaine, alors qu'il devrait être vécu 7 jours sur 7, 24 sur 24. En fin de compte, du coup, dans ce fléau-là, et je me rends compte que on le fait tous plus ou moins. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup fait. Je sais que parfois, ça m'arrive de le faire. Il y a quelque chose qui est dans ce fléau-là, ce que j'appelle l'aller-retour. Le fléau aller-retour. En fin de compte, souvent, on n'est pas enraciné. En fin de compte, on a adopté une attitude d'aller-retour. Je vais m'expliquer. Je sais que ça paraît un peu chelou de dire aller-retour comme ça, du coup. Où on est en fait dans quelque chose où en fait au lieu d'être enraciné au cep, au lieu d'être juste un sarment enraciné, on a en fait adopté une sorte de mentalité où on vient à Dieu en fait comme pour recharger ses batteries, même en fait pas en voulant mal faire, justement en fait recharge mes batteries, j'ai besoin de toi Seigneur pour ma vie, pour ci, pour ça, et puis sans le vouloir en fait on se détache et puis on affronte la vie en fait seul, les tempêtes arrivent et du coup en fait parfois c'est difficile ou parfois même ça marche assez bien mais pendant un temps et après on revient. Et c'est un peu ce fléau là du coup de penser que c'est une fois par semaine en fait on adopte une vie spirituelle comme ça. Ok, je reçois le dimanche, là je suis attaché, temps de prière etc. Je repars dans mon lundi, je suis ok, là je suis bon, j'ai mes batteries qui sont rechargées. J'ai mes batteries qui sont au top, etc. Et puis en fait, le lundi matin, ça va. Après, le lundi après-midi, si quelqu'un nous prend la tête, ça va un peu moins. Quand on est dans la ligne 13, un gars qui nous regarde de travers, etc., ça va un petit peu moins. Et puis le mardi, ça va plus du tout. Et après, du coup, il y a une réunion de prière où je ne sais pas en fait ce que vous faites la semaine, si vous avez des temps ou un temps de... Voilà, et on se raccroche comme ça. Et en fait, on fait des allers-retours. On se décroche, on se raccroche, on se décroche, on se raccroche. Et en fin de compte, c'est fou en fait parce que ce texte-là en fait ne nous dit pas en fait enfin les stations essence n'existaient pas mais en fait du coup en fait Jésus ne se présente pas comme une station essence en fin de compte du coup comme quelque chose en fait on recharge ses batteries en fait on prend ce qu'on a besoin et on y va. En fait Jésus se présente comme le cep et nous sommes les sarments, juste en fait être en lui et en fait les fruits en fait viennent automatiquement, être enraciné en lui. Et en fait, dans cette mentalité d'aller-retour, on a en fait cette fatigue, en fait cette lassitude, en fait de venir en fait à lui et de repartir dans notre vie, en fait avec tous ces défis, etc. Et au final, si on saisit en fait cette réalité que Christ en fait veut qu'on soit en lui, ça change tout. Vous savez, au début de ma vie chrétienne, en fait, on a tout un tas de défis, en fin de compte. Du coup, je pense que c'est pareil pour tous, même également aujourd'hui. Mais il y avait un truc où j'agissais comme ça. Et j'avais, en fait, du coup, quel exemple, il y avait tellement de combats dans ma vie. Je vais parler un petit peu plus aux gars. Par exemple, du coup, la convoitise. Okay, moi, je suis arrivé à Christ, j'étais un coureur comme pas possible. J'arrive à Christ, ok, maintenant faut que je me garde pur, faut que, du coup, en fait, toute cette vie-là, maintenant, c'est fini, etc. Et en fait, je me rechargeais dans la parole de Dieu, je me rechargeais en lui. J'avais le dimanche, du coup, le mardi, je crois que c'était la réunion de prière, etc. Et puis, j'étais plein de bonne volonté, mais à chaque fois, en fait, quand je me détachais, je me détachais, en fait, j'arrivais, et du coup, en fait, j'arrivais, je sais pas moi, à Châtelet, en fait, en août, à 15h, et ben, en fait, il y avait tout un tas de filles devant mes yeux, et je voulais me garder, mais j'y arrivais pas. Mais en fait, j'avais compris la chose dans le mauvais sens. J'avais compris la chose en aller-retour. Recharge-moi et je vais essayer par moi-même. Mais en fin de compte, et ce texte est vraiment fort, vraiment. Hein, du coup, moi, à chaque fois que je le lis, en fait, ça me fait quelque chose de profond. En fait, Christ nous veut en lui. Christ ne veut pas en fait qu'on vienne à lui et qu'on fasse des allers-retours et qu'on se batte par nous-mêmes. En fin de compte, Christ ne veut pas qu'on soit en mode aller-retour, à courir, en fait, à faire des va-et-vient. Christ, en fait, veut juste qu'on se repose en lui. Et quand on se met en fait juste à se reposer en lui, pas être dans l'aller-retour, juste je cours en fait, ok, recharge mes batteries, moi en fait j'y vais, ok. Juste en fait quand on comprend que la vie en Christ, en fait c'est pas courir, mais c'est juste s'arrêter à être en lui, ça change énormément de choses. À partir de ce moment-là, en fait, quand t'es enraciné en fait dans le cep, tu comprends en fait que c'est plus toi en fait, que de toute manière t'as jamais porté de fruits. Jésus en fait dit ceci dans ce texte, sans moi vous pouvez rien faire. Et c'est dur en fait à réaliser parce que ça, tout en fait toute la chose en fait où on a envie de contrôler par nous-mêmes, il faut le laisser. En fait, on doit être dans un abandon total de, ok, c'est fini. J'arrête de me battre par mes forces. Seigneur, tu sais, Seigneur, c'est toi le cep, je suis le sarment. Et Seigneur, les fruits, c'est toi qui les donnes. C'est toi qui vas émonder ma vie. Et à partir de ce moment-là, en fait, les choses rentrent dans l'ordre. On rentre dans ce qu'on appelle le repos, dans la paix. Dans ce que Jésus est notre paix, c'est lui notre shalom. Et on va rentrer en fait dans cette paix et en fait on va se rendre compte qu'en étant en lui, les choses vont automatiquement changer. Ses pensées vont devenir nos pensées. Son cœur va devenir notre cœur. Ce que tu mettais devant tes yeux avant, maintenant c'est ses yeux qui vont venir en toi, qui vont vouloir, c'est ton désir en fait de vouloir en fait mettre devant tes yeux ce que lui met devant ses yeux. Les désirs en fait que tu avais avant, les désirs mauvais en fait vont petit à petit partir. Ça met du temps parfois et ça fait mal d'émonder, mais c'est lui qui le fait. C'est Dieu en fait qui émonde nos vies, qui coupe et qui nous fait grandir. Ça n'a rien à voir avec nous, ça n'a rien à voir avec les allers-retours que je fais, l'énergie que j'y passe. Ça a à voir avec juste me placer en lui, juste être en Christ et c'est lui qui le fait. Je voulais juste pour terminer, en fait, qu'on puisse prendre un moment de prière. Je crois qu'ici, vous n'avez pas l'habitude de venir à l'avant, tout ça. Donc, je vais juste, en fait, vous demander d'incliner le front. Et si ce message, à un moment donné, t'a parlé, ou si tu combats avec certaines choses et t'as envie d'être enraciné, mais tu dis, j'essaye par mes propres forces. Juste, j'aimerais, en fait, que tu lèves ta main et on va prier ensemble que Dieu nous enseigne à demeurer en lui. Si fatigué des allers-retours, si tu es fatigué de te battre par tes propres forces et tu veux juste en fait demeurer, retrouver ta paix dans le cep, juste je vais te demander de lever ta main là où il est, les yeux restent fermés, en fait personne ne te regarde, je vais prier avec toi, ok, les mains se lèvent, on va prier ensemble. Seigneur mon Dieu, tu vois les mains Seigneur qui sont levées, Seigneur mon Dieu, Seigneur tu ne nous demandes pas Seigneur d'être de vivre, Seigneur, la vie, Seigneur, par nos propres forces. Seigneur, tu dis dans Zacharie 4, Seigneur, c'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Seigneur, par ton esprit, Seigneur mon Dieu, je te prie vraiment, Seigneur, d'agir en nous. Enseigne-nous à demeurer en toi. Enseigne-nous à lâcher notre volonté de faire par nous-mêmes et à juste reposer en toi. Seigneur, je crois, Seigneur, que dans les mains qui sont levées, Seigneur, et partout dans cette salle, Seigneur mon Dieu, il y a des ramifications, Seigneur, qui vont être encore plus fortes et des fruits, Seigneur, qui vont naître, Seigneur, comme jamais auparavant. Ce que l'œil n'a pas vu, Seigneur, ce que l'oreille n'a pas entendu, Seigneur, mon Dieu, tu l'as préparé pour ceux que t'aimes. Seigneur, t'appelles des personnes, Seigneur, ici, à faire de grandes choses pour toi, à porter du fruit. Mais Seigneur, pas par leur propre force, parce que c'est toi, Seigneur, qui vit en eux et vit en toi. Seigneur, enseigne-nous à demeurer. Seigneur, je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, d'amener les pensées, Seigneur, captives à ton obéissance. Que tes pensées, Seigneur, deviennent les nôtres. Que tes désirs, Seigneur, deviennent les nôtres. Que tes aspirations deviennent les nôtres, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je veux prier, Seigneur, pour finir. Seigneur, tu dis dans ta parole que, Seigneur, tu ne brises pas le roseau qui est cassé. Et Seigneur, je crois, Seigneur, qu'il y a peut-être des branches, Seigneur, qui sont fissurées ou cassées dans cette pièce. Et je veux prier, Seigneur, pour ces personnes-là. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, Seigneur, dans leur vie. Seigneur, je ne sais pas les brisures, les souffrances qu'il y a eu. Mais Seigneur, tout ce que je sais, Seigneur, c'est que ta promesse, tu ne brises pas le roseau qui est cassé. Tu n'éteins pas le lumignon qui fume. Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, que ta sève de vie, Seigneur, coule en eux, Seigneur mon Dieu. Répare, Seigneur, les brèches. Répare, Seigneur, les blessures, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, que ces branches, Seigneur mon Dieu, ont été fissurées. Puissent être solidifiées par toi et porter, Seigneur, du fruit comme jamais auparavant. Parce que c'est ta volonté, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu désires, Seigneur. Tu dis, Seigneur, les branches qui portent du fruit en porteront encore plus, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ces branches-là. Seigneur, je te prie également, Seigneur, pour toute l'Église, Seigneur mon Dieu. Seigneur, qui est ancrée, Seigneur, en toi, Seigneur. Seigneur, que cette Église One Earth, Seigneur, vive une année où il y a une récolte, Seigneur, abondante, Seigneur mon Dieu. Merci pour les fruits, Seigneur, qui vont jaillir, Seigneur, de cette Église. Merci pour leur cœur. Merci parce qu'ils sont en toi, Seigneur mon Dieu. Enseigne-leur, enseigne-nous à demeurer en toi. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié.